Passer ce chien, je le cherche partout. Ouais, donc passer ce chien, il va me rendre folle. Ouais, donc passer ce chien. Ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Je dirais même que c'est un bon à rien.